بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. 44 نصون. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 91. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. Donc selon Abu Qatada, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne tienne son pénis par sa main droite lorsqu'il urine. Que personne ne s'essuie de la défection par la main gauche, la main droite. Après qu'il avait ses besoins, les gros besoins, il ne s'essuie pas avec la main droite. Et que personne ne souffle dans le récipient dans lequel tu bois. Là, c'est plutôt respirer, c'est respirer fort dans l'idée dans lequel tu bois. Le hadith ou les mots de tabac qu'on a allé. Donc il dit le masa'il ou l'ahkam ou le mustafalatu min al-hadithi. Mas'alatun. Hukmu massi al-zakari bil yamini. Le jugement quant au fait de toucher le pénis avec la main droite. Il dit que le hadith de Abu Qatada, cité là, démontre l'interdiction, le côté illicite de cela. Car c'est ça la base dans l'interdiction, c'est que c'est illicite. Quand on a pris une interdiction, la base c'est que c'est haram. Jusqu'à ce qu'on ait une chose qui démontre que c'est makruh, détestable. Bien que la plupart, ici, que la plupart des savants, le jumhur, voient que c'est makruh. Mais la parole la plus sûre, c'est la première, c'est-à-dire que cela est interdit. Et que c'est la parole choisie par Hassan Ali, qu'il n'y a pas de dalil qui démontre, qui fasse sortir l'interdiction vers un côté détestable. Il n'y en a pas. Parce que le kalam de Hassan Ali se trouve dans son Sahih Salam. Après, il dit Mas'ala. Hal takhtassu al-hurmatu athna'i al-bawli faqat. Est-ce que l'interdiction, c'est-à-dire le côté illicite, n'est spécifique qu'au moment de l'urine, qu'au moment où tu urines seulement, et pas de toucher avec la main droite, de tenir avec la main droite. Donc, le Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il dit que cette interdiction de toucher le pénis avec la main droite, c'est conditionné que ce soit au moment où la personne a l'urine, l'homme a l'urine. Donc en dehors de cela, c'est permis de se toucher le pénis. Et certains savants voient que c'est interdit. D'autres savants voient que c'est interdit dans l'absolu. Et le hadith, il est venu muqayyadan. Il est venu en mettant une condition. Wa huwa yaboul. Là, c'est jumla haliya. Elle est en mahal hal. Comme si tu disais, par exemple, la yamassan nahadukum zakarahu. Mathalan. Ba'ilan. C'est-à-dire qu'alors qu'il est en train d'uriner. Donc là, c'est spécifique. On a un moment particulier. Pour une raison particulière. Une situation particulière. Ce n'est pas dans l'absolu. Et qu'est-ce qui vient pour répliquer à ce hadith, du moins cette compréhension? On a pris un hadith qui démontre que tu peux. C'est le hadith de Talq ibn Ali. Lorsque cet homme a interrogé le salam, qu'allait l'arjou le massa zakarahu fi soleh, fin tawadda, qu'allait la innama yabatatun milk, akhajlu khamsa. Qu'un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, l'homme touche son pénis, lors de la salat, est-ce qu'il doit refaire l'eau? Il lui dit non. car c'est également une partie de toi. Hadith rapporté par la Khamsa. Il y a une divergence sur le, on a dit par rapport à ce hadith, c'est authentique ou pas. En tout cas, Shir Ibn Hizam, lui, il a vu qu'il était Hassan. Pas mal. Donc il voit que ce hadith-là est une preuve démontrant que tu peux toucher ton pénis en dehors du moment où tu urines. Non. Ce n'est pas interdit. Donc le hadith, il vient pour spécifier le moment où tu urines. Lorsque tu urines, tu ne tiens pas ton pénis avec la main droite. Et ça, c'est aussi l'avis del Bukhari. C'est l'avis del Bukhari aussi. Après, il dit Mas'alatun hukmu al-istinja'i bil yamini. Le fait de se nettoyer après les besoins avec la main droite. Le hadith de, qu'on vient de prendre là, de Abu Qatada, et celui de Salman, qui va venir par la suite, Inch'Allah, démontre que cela est illicite. C'est haram. Car comme nous avons dit également, la base dans l'interdiction, c'est que c'est haram. Tant qu'on n'a pas une chose qui sorte cela pour l'amener à côté makruh, détestable. Et c'est également l'avis de As-Sana'ani. Et c'est l'avis des Zahiriyya. Zahiriyya, c'est qui? C'est qui les Zahiriyya? C'est les suiveurs de le mazhab de Daoud. Ibn Hazm, ceux qui voient, qui prennent tout en apparence. Ils prennent le texte dans son apparence. La base, elle est vraie. Mais des fois, il y a un ta'ouil, des fois, il y a une explication. Et ils prennent mutlaqan dans l'apparence. Et comme on l'a stipulé, ce qui est surprenant, c'est qu'Ibn Hazm, dans la Aqidah, c'est un jahmi. Ça veut dire, dans le fiqh, il prend l'apparence, dans l'esmo sifat, il attole. Il est sur la main, il se surprend, il lui fait comment? On va dire, t'as l'exagération dans le côté vahiri dans les textes, dans le fiqh. À telle époque, des fois, tu délaisses des choses alors qu'il y a une explication. Tu prends l'apparent. C'est la base, prendre l'apparent. Mais des fois, il y a une explication. Toi, tu laisses un peu l'explication, tu prends l'apparent. Et là où c'est plus en droit, qui sont les noms attribués dans l'enseignement là, tu les annules, tu les supprimes. Pourquoi tu prends pas l'apparent là aussi? Hein? Ça, c'est une chose qui lui était reprochée. Dans l'Aqidah, Ibn Hazm, fini dans l'enfant, faire attention. Mais dans le fiqh, c'est un imam. Avec son côté, comme on dit, Tachadid, dans le côté de Zahiri. Et il a été, Shiamoukbi, rahimahullah ta'ala, avait été taxé d'être parmi, de faire partie de ce groupe, Zahiriya, et c'était pas vrai. Par exemple, Ibn Hazm, lui, rejette le Qiyas mutlaqan, comme on a dit. Il ne voit pas le Qiyas du tout. Et il dit toute chose dans un texte. Chaque chose dans un texte. Juste chercher. Il ne voit pas le Qiyas. Même le vrai Qiyas, quand on a dit Qiyas, il y a Qiyas, tu vois, qui est daïf, fi nazar, qui est discutable, le Qiyas sur lequel il est considéré. Même le considéré, il ne veut pas le prendre. Il ne voit pas le Qiyas contre l'autre. Donc, Shem Mokbil est innocent de cette compréhension, et le Qiyas, Sahih Mortabar, Shem Mokbil, il le voit. Ce qu'il ne voit pas, c'est celui qui prie des Arkem Mustanbata. Et le Qiyas Aks, et Qiyas Gharabat Al-Shabah. On appelle le Qiyas al-Shabah. Ceux-là, ils ne les voient pas. Ils sont faibles d'ailleurs, comme on a appris. Mais le premier, il le voit. Donc après, il cite également que la plupart des savants, à Jumhur, ils voient que le fait de faire l'istinja avec la main droite, c'est juste makruh. Et Shir ibn Hizam, il dit, il n'y a pas de dalil qui sorte la chose de son interdiction, donc on reste à la base, c'est que c'est interdit. Donc c'est haram. Et celui qui s'explique la main droite sans raison valable, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a qu'une main gauche, qu'une main droite. La main gauche, elle est perdue, par exemple, elle est coupée. Des manchots, ma salade. Ou il y a une raison qui fasse que, je sais pas, sa main est blessée, il peut pas utiliser la main gauche. Il a un bandage, ou je sais pas, quelque chose. Là, il faut bouger les doigts, il a un plâtre, alors, allez. En dehors de ça, c'est pas permis. Après, Dimas, Allah, l'oustenja biyaminihi fa'anqa hel yujdi'uhu. Donc, si jamais il fait l'oustenja, il se nettoie avec la main droite, et qu'il se purifie, pour de vrai, est-ce que cela est valide? Pas même parce que cela est valide. Donc, il cite une parole de l'Hafiz dans le Fath. En disant que cela est illicite, toujours. L'Hafiz, donc c'est illicite. Il dit que celui qui fait cela aura fait preuve de mauvais comportement. Il sera mal comporté. Il aura commis un péché. Mais quoi qu'il en soit, son istinja, il sera valable. Quand même, il sera valable. Et les Zahiriyya et les Hanabila, ils voient que ce n'est pas valable. Donc après, Shir lui dit la parole authentique dans, dans cette divergence, c'est que le fait de se nettoyer l'istinja bil yamin, que ce soit illicite, est valable. Pourquoi ? Car le but, c'est de se nettoyer et tu arrives au but. Comme on avait dit la dernière fois, demain, tu as une najasa sur ton vêtement ou quoi, tu l'as enlevé sans avoir mis de niya. Est-ce que ta salat est invalide dans ce vêtement-là ? Là, c'est pareil, tu t'es nettoyé, même avec la main droite, la salade, mais pour de vrai, tu as tout fait partir. On va dire que tu n'as pas fait partir, c'est parti. Mais tu as combien péché ? D'accord ? On ne va pas dire, non, tu n'as pas fait le stinger, ta salat est bâtie là. Tu dis, je me suis nettoyé. Avec la main droite, certes, c'est haram, dis, mais j'ai plus de traces de najasa sur moi. Donc, comment on me dit, je recommence ma salat ? Ce que j'ai fait, c'est pas valable. Il n'y a plus rien, même le racle, tu vois, il suit derrière. Il dit, comment ? Quelle chose maintenant rend ma salat invalide ? Dis-moi. T'as fait le sujet avec le yamin. Tu dis, ça, c'est pas un short de tahara. Short tahara, c'est izalat et najasa. Tahara, c'est faire partir la najasa. Même tu l'as fait de façon illicite, elle est partie. Elle est partie. Donc voilà. Taïb. Après, il dit. وعن سلمان قال الحديث 92 عن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجى بالجبين أو أن نستنجى بأقل من ثلاثة أحجار أو نستنجى برجيع أو عظم رواه مسلم وفي الحديث 93 لسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. Le hadith de Salman dit que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a interdit de faire face à la Qibla en faisant nos besoins et de se nettoyer avec la main droite et de se nettoyer avec moins que trois pierres ou de se nettoyer avec des os ou des crottins d'animaux qui ont séché, secs. Et donc, après le 93e hadith, apporté par les 7, selon Abu Ayyub al-Ansari, Masmou Abi Ayyub, s'appelle Khalid. Abu Ayyub al-Ansari s'appelle Khalid ibn Nasit ibn Man. S'appelle Khalid. Il dit, ne faites pas face à la Qibla en faisant vos besoins. Et normalement, il y a aussi, Walatastad Biroha. Bizarre, ils n'ont pas mis là. C'est l'attaque pour Qibla Tabiratin Obun, Walatastad Biroha. Voilà, Kin Sharreku Aribo. C'est ni de faire face à la Qibla, ni de lui tourner le dos, en faisant les besoins. Cependant, tournez-vous vers le levant ou le couchant. L'Occident ou l'Orient. Bizarre qu'il n'y a pas le. Normalement, on voit, Walatastad Biroha Kazali. Là, il n'y est pas. Même le hadith, il est. Dans le monde de l'Ahkam. Parce que c'est un sakt du livre. Donc il dit le masail ou l'Ahkam ou le mustafadatum de l'Hadithain. Non. Masalatun. Hukm istikbel ou istidbari el ka'abati bi bolid ou ra'atin. Tu vois là dans le titre il a mis istidbar. Peut-être qu'il y a du rameau qui a sauté dans l'impression. Donc le jugement de faire face à l'Ahkibla, de tourner le dos en faisant les besoins. Grand et les petits. Et qui dit que Eshaoukani rapportait dans l'Autar, dans ce sujet, 8 paroles, 8 mazahib, dont les plus forts sont 4. Le premier, que cela n'est pas permis, ni dans la nature, ni dans une bâtisse. C'est-à-dire dans des toilettes, il n'y a ni construit. Et ça, c'est la parole de Abu Ayyub al-Ansari, et de Mujahid, de Ibrahim al-Nakhari, et Saouli et d'autres. Et c'est également le choix de Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et de Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhim, jami'an. Et la preuve, c'est le hadith de Abu Ayyub, là, et le hadith de Salman. Et que eux, ils ont rejeté les hadiths, les autres hadiths, car il y a un hadith qui vient de Omar, qui vient de Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uriné, mustadbir al-Ka'aba, la Qibla, tourner le dos. Ils ont dit ça, c'était khos pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est juste pour lui, ça, spécifique à lui. On a appris qu'à la base, la kandekana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hasana. Vous avez certes, en message d'Allah, un bon exemple à suivre. Donc la base, c'est dans les faits du prophète Salem, c'est que c'est pour tout le monde. Jusqu'à ce qu'on ait une preuve qui démontre que c'est que pour lui. Est-ce qu'il y a une preuve pour dire que ce qu'il a fait, c'est que pour lui? Il n'y en a pas. Donc la parole n'a pas été acceptée. Quand on dit que, par exemple, Salam Salem s'est marié avec 9 femmes, ça, on sait que c'est propre pour lui. Que dans le CIEM, il pouvait faire les. Il faisait le WAS, il pouvait enchaîner d'affilée. Il a été dit que c'est propre pour lui, il y a des preuves. Nous, nous l'avons interdit à nous, mais lui, il le fait lui. Il n'y a pas de hadith, mais à chaque fois, tu as une preuve qui te démontre que lui pouvait le faire, mais pas toi. Là, on n'en a pas. Donc là-bas, c'est que ce qu'il fait, c'est valable pour nous. Pour nous l'enseigner, pour le retransmettre. D'accord? Donc le, ça, c'était le premier call, que c'est interdit, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Mm-hmm. Deuxième call, que cela est interdit à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. C'est-à-dire, dans la nature, tu ne le fais pas, mais dans une des toilettes qui sont construites, tu peux le faire. C'est la parole de Malik, et de Shafi'i, de Ishaq, et de Ahmed dans une version. C'est la parole de Bukhari. Et même que le Hafiz a attribué cette parole-là au Jumhur, la plupart des savants. C'est également la parole, l'avis de Sanani et de Shamukbil. Que tu peux le, que tu n'as pas le droit de le faire dans la nature, mais que tu peux le faire dans des toilettes construites. Tamam. Et la preuve, c'est quoi? C'est le hadith, comme on connaît tout à l'heure, de Ibn Omar, le Muttafaqun alayhi. Quand il dit, Irtaqaytu yawman ala dhahr bayt Hafsata, faraytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqdi hajatah mustaqbil al-sham, mustadbir al-ka'bah. Que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de Hafsa, en train d'accomplir ses besoins, tournant le dos au Shem, ou plutôt faisant face au Shem, tournant le dos à la Kaaba. Le hadith, il est muttafaqun alayh. Troisième call, que cela est permis à l'extérieur comme à l'intérieur. Et c'est quoi leur leur dalil? Dans le hadith de Jabir, dans le Musnad de Ahmed et autres, et que même Shamukbil a rapporté dans son Sahih al-Musnad, Nahan Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yastaqbil al-qiblata bi bawlin fa ra'aytuhu qabl an yuqbad bi 'amin yastaqbiluha fa hadha hadith yu'tabar nasikhan li ta'khulihi. Donc il dit, selon Jabir, qu'il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire face à la Qibla en urinant, et je l'ai vu avant de mourir, un an avant de mourir, faire face à la Qibla. Donc ce hadith, comme il est venu en dernier, il le considère comme étant abrogeant. Il le considère comme étant abrogeant. La réponse à cela, en disant qu'il arrivera en dernier pour de vrai, quand même, on ne peut passer à l'abrogation s'il est possible de lier et de joindre entre les hadiths, comme on l'a appris. Si l'abrogation elle est établie, instaurée, classe, il n'y a pas à chercher à lier, c'est fini, on l'a pris ce matin, tu te rappelles. Mais si tu peux lier, l'abrogation n'est plus effective. Car ce n'est pas tout hadith qui vient en deuxième ou en dernier, forcément qu'il abroge. La même? Ce n'est pas dans l'absolu. Donc le fait de lier entre les deux, hein, le fait de lier entre les deux, annule cette, ce jugement d'abrogation. Et comment on lit entre les deux? Comme on l'a dit tout à l'heure dans le deuxième calème. Tu peux le faire. Tu ne le fais pas dehors, tu peux le faire dedans. T'as même. Et là, dans le hadith de Jabir, il n'a pas été dit c'est où. Par contre, est-ce qu'il était dehors ou dedans? Intérieur ou extérieur, ce n'a pas été précisé dans le hadith. Tayyib. Quatrième call, que cela est makruh, détestable. À l'extérieur comme à l'intérieur. Car ils ont voulu se joindre entre les hadiths précédents. Donc ils ont dit, c'est makruh. Car le professeur Assam l'a interdit, mais après lui il l'a fait. Tant même. Donc là, Shir Ibn Hizem, lui, voit que c'est ce qu'on a qui est le bon. Ce qu'on a qui est le bon. Mais la Massa, il y a un gros khilaf dessus. Et certains ont aussi dit comme quoi, comme... ça va dire dans la Massa qui suit. Non. C'est un call qui a été dit aussi. Donc lui voit que c'est, en fait, c'est makruh. Car tu as une interdiction, mais tu as un acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est le sens de ce côté illicite. Là, on a le Sa'aref. Donc son avis, c'est que lui, c'est makruh. Il voit que cet avis-là, c'est celui qui est correct. Taïeb. Après, il dit mas'ala istiqbal wa istibdar bayt al-Maqdis. Le fait de faire face ou de tourner le dos hein, au bayt al-Maqdis qui est en Palestine. Al-Masjid al-Aqsa. Il fait rapporter de certains imams que cela a été interdit, illicite. Tamam. Et c'est dans un hadith de Miqal ibn Abi Muqal al-Asadi qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbila al-qiblatayn bi bawl aw gha'itin walakinahu hadithun da'if. C'est un hadith qui est fait dans lequel on a interdit de faire face aux deux qiblas. Quelles sont-elles? La Kaaba et Bayt al-Maqdis. Mais le hadith, il est faible. C'est pour ça que la plupart des savants, les Jumhur, voient que cela n'est pas illicite. Et certains ont même dit que c'était Ijma, que ce n'était pas illicite, mais bon, l'Ijma, il est discutable. Et d'autres savants voient que cela est makruh, comme on l'a dit. Mais pareil, cette karaha, elle n'a pas de dalil. Elle n'a pas de dalil. Donc là, pour revenir à la masala précédente, on a pris les quatre calls. Premier, interdit dans l'absolu. Deuxième call, interdit dehors, mais permis dedans. Troisième call, c'était quoi? Permis dedans et dehors. Et quatrième call, c'était makruh. Et il y a... Non, le troisième call, c'est Nasr. Mansour. Mansour. Voilà, donc, et par rapport à cette mas'ala-là, il y en a, ils ont dit quoi? De ce qu'on m'a cité, je l'ai pas, juste qu'on me l'a dit, je n'ai pas parti vérifier, mais c'était aussi une version d'explication qui avait été donnée, c'est que lorsque le prophète s'enseigne, quand elle est « La tastakbir qiblata bibon ra'otin wa tastadbiruha », certains ont dit que c'était à l'époque où il y avait salat vers Bayt al-Maqdis. Et qu'après, la Qibla a été changée. Donc le hadith qui dit où il l'a fait, c'était dans... lorsque la Qibla a été changée. Et là, ils ont dit comme ça. Mais j'ai pas les références, malheureusement. On me l'avait dit, mais j'ai pas les références. Yunzar fi, inshallah. Tayyib. Après, Dimas, Allah. Al-istijmar bi aqal min salasti ahjar. Le fait de se nettoyer avec des pierres. L'istijmar, c'est se nettoyer avec des pierres. Et du fait de se nettoyer avec moins de trois pierres. Donc certains ulama ont vu que cela était obligatoire de prendre au minimum trois pierres. En prenant le côté apparent de ce hadith. Et il y a un hadith qui est venu également de Jabir ibn Abdillah, de le Moussad de Ahmed et autres, avec un hadith sahih où il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر احدكم فليستجمر ثلاثا. Que si l'entre vous vient à se nettoyer avec des pierres, qu'il fasse trois fois. Et d'autres hadiths sont venus dans le même sens, mais ils sont faibles. Mais ils viennent pour renforcer ce qui était dit avant. Et d'autres ulama, comme Malik, Abu Hanifa, et Daoud, Zahiri, voient qu'à partir du moment où tu t'es nettoyé, ne serait-ce qu'avec une pierre, l'objectif a été atteint. Le but, c'est de se nettoyer. Même si tu n'as resté qu'une seule pierre, c'est bon, c'est valable. D'accord? Et c'est quoi leur preuve? Ils ont pris le hadith d'Abu Huraira. Man istajmara falyutir. Man fa'ala faqad ahsana. Wa man la fala haraj. Donc il dit que celui qui se nettoie avec des pierres, qu'il le fasse en nombre impair. Et que celui qui l'a fait a bien agi. Et celui qui n'a pas fait, il n'a pas de nul grief sur lui. Il n'a pas de nul grief sur lui. Et également le hadith d'Ibn Mas'ud qui va venir plus tard, inshallah. Mais la parole que Cheikh a choisie, c'est la première, qu'il faut au moins trois pierres, car le hadith cité là maintenant, là, il est faible. Et le hadith de Salman, il n'est pas faible, mais il est mubaham, il est vague. Quand on dit, man istajmara falyutir, celui qui se nettoie avec des pierres, qu'il le fasse un nombre impair. C'est vague. Ça peut être un, ça peut être trois, ça peut être cinq, ça peut être sept, il a. Ils disent que le hadith de Salman, il est mubayyin. T'as un hadith qui est vague et un qui est précis. Qui t'éclaircit le côté vague de notre hadith. Donc tu fais quoi? Tu agis avec celui qui est précis. Donc le shir, il voit que c'est la ville, le premier, c'est qu'il faut au moins trois pierres. Et également, c'est là que je vois ça, il a rendu le hadith d'Abu Huraira d'Aïf. Il y a deux inconnus dans la chaîne de narration. Tamam. Après, c'était une parole d'Ibn Qudama. En conclusion du sujet. Donc lui, l'avis, c'est qu'il faut trois pierres au minimum. Et il dit quoi? Ibn Qudama, le but dans cette istinja, c'est l'inqa, yani izarat aïd al-najasa wa bullatiha. C'est-à-dire, c'est le fait de supprimer, d'ôter l'impureté en soi et son humidité. D'accord? Donc cela, il dit, ça veut dire que la pierre que tu utilises, comment tu vas le savoir que tu as tout enlevé? C'est qu'à la fin, il ne reste plus rien sur la pierre. Ou très peu. Avec une pierre, ce que tu peux, tu ne pourras pas le voir. Car la première pierre, quand tu vas t'essuyer avec, il y aura forcément tout dessus. Même si tu as tout enlevé, comment tu pourras t'assurer qu'il n'y a plus rien qui reste? Comment tu le sais? Avec deuxième pierre. Deuxième pierre, tu vois qu'il n'y a presque rien dessus. Après, tu dis, la troisième, c'est vraiment pour la découpe passée. La troisième pierre, et la troisième pierre, là, c'est fini. Et s'il y a besoin, il y en a encore son troisième, jusqu'à 5. Et ainsi de suite, 7, 9, et kaza. Mais ce qu'il faut, c'est que la dernière pierre que tu as utilisée, elle soit propre. Ou très très propre. Tu vois qu'en fait, il ne reste plus rien. Fahimt? Et ça, le but. Donc avec une, tu peux le faire avec une seule pierre, ça? Tu ne pourras pas le faire. Même si tu as tout enlevé, tu ne pourras pas vérifier s'il ne reste pas quelque chose encore. Et s'il reste quelque chose, ça va être bâti, là. Donc le sinjai, il n'est pas correct. Si le sinjai, il est bâti, c'était pas la tahara, toi, najasa sur toi. Donc, ta salat, on subira les conséquences, ça sera bâti là. Vous voyez? Donc là, on va arrêter là, inch'Allah, on poursuivra ce hadith demain, inch'Allah. Là. Il reste encore quelques masahil, mais pour pas trop tarder. Ma fouma hada, donc demain, inch'Allah, donc oui, on continue demain. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك